voilà, je vous l'ai dit, avec un peu de retard, c'est vrai, je l'ai dit dans l'émission de Dario, dans Groove Station, je l'ai dit à 9h, j'ai dit surtout soyez là à 10h30 pétante. Une fois de plus, Max ne tient pas parole, il est 22h43 et j'avais dit qu'il allait avoir un événement. On dit dans le jargon, he's back. On dit, il est de retour. Oh, mais tes roulements de tambour, ils sont souvent petits, ils sont pas très gros, c'est pas les gros, c'est des petits roulements de tambour. Moi, je veux... Là, il faut là, faudrait la fanfare, il faudrait, c'est plus qu'un roulement de tambour, là, c'est la fanfare, roulement de tambour. Il est de retour, he's back. On pensait que plus jamais nous ne l'entendrions. On l'entendrait. Il y avait une distinction de voix aussi. Ouais. Ah, mais... On a entendu dire qu'il était au Mexique, en Indonésie, au Canada, au Québec, aux États-Unis, Mongolie. Qu'il avait quitté sa femme pour aller rejoindre son ex, qu'il était toujours en contact avec quelqu'un en France du nom de Cune Macaque, meilleur ami soi-disant de Fesse de Babouin. Eh bien, il est de retour ce soir. Énorme. Événement fun. Gérard de Suresnes. Bonsoir mon pote GG. C'est quoi ta musique de naze là? Comment ça va? C'est quoi ta musique de naze? Bah je sais pas. T'as pas trouvé mieux? Bah on n'arrive pas, on a plus de bruitage ici. Bon attends, mais c'est quoi cette musique là? On dirait un truc de gamin. Ça fait plaisir de te retrouver GG. Comment vas-tu? Bon ça va. Dans un instant Gérard va avoir un énorme coup de gueule à donner. Ah ouais, là je pense. Hein. Là il va péter. Ah ouais, là il va péter un plomb. Donc on aura d'ailleurs pour ça, on a réussi à le joindre dans sa cabine téléphonique Cune Macaque. Oui, oui. On doit le rappeler, oui. On doit le rappeler dans sa cabine parce que monsieur change de numéro systématiquement. Mais je crois qu'il sait pourquoi on va l'appeler, que lui-même serait peut-être fait manipuler par Fesse de Babouin. Ah ben c'est bien, il va savoir de quel pied que je me sauce celui-là. D'accord, de quel pied il se sauce, c'est dans un instant. Gérard de Suresnes est de retour. Oh là là, c'est bon, ça va cogner dans la FM. Intervenir dans la radio libre 0803 08 5000. Il est de retour, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'était la grosse nouvelle et c'est le gros retour, le gros comeback. Gérard de Suresnes, ça va mon GG? Ça va. Bon, on a des news à vous donner, mais on donnera tout ça après. On a des petits cadeaux à vous offrir et des dates à vous donner. Pour le moment, Gérard, tu voulais absolument intervenir dans cette émission ce soir. Il m'a appelé à 8h30, je peux vous assurer que ça faisait au moins un mois et demi, deux mois qu'on n'avait plus de nouvelles. Et non, moins 20, il était 9h-20 quand je t'ai appelé. 9h-20. Qu'est-ce qui... De toute manière, il y a un message de répondeur. Si les deux pingouins, là, ils ont... Tu voulais intervenir pourquoi, Gérard? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors déjà, pour dire une chose, que ce qui a été dit à l'antenne, c'est faux. Cune Macaque, hein? Oui, l'espèce de Cune Macaque d'enfoiré de mes deux, là. Ouais, qu'on va avoir dans un instant, parce qu'on a réussi à jouer dans sa cabine, on l'aura dans un instant. Pour l'instant, parle, Gérard. Donc, concernant quoi? Qu'est-ce qui est faux? Tout ce qui a été dit à l'antenne, comme quoi que j'avais quitté Sandy, c'est faux. Que j'étais parti à l'étranger, c'est faux. Alors. T'étais parti où à l'étranger, d'après le mec? Disons, en dernière date, c'était aux Philippines. Ouais. Hein? Après, c'était New York. Ouais. Il y a eu. La Polynésie. Qu'est-ce que c'est que ce bip là? Je sais pas, la Polynésie. Ouais, il y a eu la Polynésie, tout ça, donc c'est pour dire pour démentir et c'est tout. D'accord. Cune Macaque est avec nous. Bonsoir. Allô? Bonsoir, c'est Cune. Oh, Cune Macaque, là, tu bouges ton cul, là? Ah, mais il est là, il t'écoute, hein, c'est toi qui l'entends pas, Gérard, il t'a parlé, hein? Bonsoir, GG. Et alors, ça te fait plaisir, là, de ce que t'annonces? Ah, ça y est, t'es rentré, il paraît. Ouais, t'es rentré, et ta mère, elle est rentrée où, elle? Bah attends, m'agresse pas comme ça, moi j'ai fait cracher. Non mais attends, moi je vais dire autre chose, que je t'agresse pas, déjà c'est toi qui commences à gonfler tout le monde sur l'antenne en disant comme quoi que t'as des news de sur moi en cause que je t'ai jamais écrit, je connais pas ton adresse, d'accord? Ah bah ouais, enfin moi, tu vas me dire, bah ouais, eh bah moi je vais dire une chose mon pote, hein, t'as intérêt de démentir tout ce que t'as été dire, parce que avec Christine, ouais, y a que dalle, avec ton lit, je suis encore avec elle. J'ai pas. D'accord. GG, attends, moi j'ai vu non, les non, lettres. Non, il n'y a pas de GG, il n'y a pas de GG. Moi je vais te dire une chose, pour l'instant t'es un connard, t'es un imposteur. Il y a peut-être erreur. T'es un bâtard. Je vais te dire une chose, t'es un bâtard parce que t'es en train de dire des conneries. T'es en train de vouloir briser un couple. Il y a peut-être un quiproquo quand même. Non, il n'y a pas de petit croc de mes genoux. Attends, cul macaque, il n'y a pas de petit crocs qui tiennent. Ouais, quand même, un petit quand même. Non, non, il n'y a pas de croc. Alors, si tu fais des trucs avec fesses de babouin, j'ai et c'est tout, d'accord. Moi, j'ai vu des lettres, quand même. J'ai vu des lettres avec des timbres. Dans ces cas-là, je vais te dire une chose. Ouais. Espèce de faux cul. Tu fais une chose, t'envoies tout ça. 22 rue Bayard, et on va contrôler si c'est vrai. Et tu mets ça à l'attention de Fabrice, et il nous les enverra. D'accord, mais ça marche, parce que moi j'ai vu des lettres. Attends, il y avait une écriture qui ressemblait à la tienne. Une écriture avec ma signature. Oui, il y avait une croix en bas. Ouais, une croix en bas. Tu crois que je mets des croix pour signer, espèce de connard. Il y avait aussi, attends, il y a quand même une espèce de léger parfum qui parfume les lettres. Moi je suis sûr que c'est toi. C'est pas toi avec ton sperme qui a mis du parfum dedans. Ouais, ça y est. C'est possible, ouais. T'as pas demandé à ta mère qu'elle te donne du parfum non plus? Bon, Gérard est devenu, il est de retour et ça sent, hein. Il est vénère. Non, mais attends, Gégé, j'ai rien fait. Non, mais j'ai rien fait. En direct. Et fais gaffe, t'as samedi derrière, tu vas régler ça. Alors, justement, je voulais dire deux choses. Fais-moi confiance que ça va mal se terminer avec toi, d'accord? Gérard, deux choses. Il est possible que cul-de-maquette s'est fait manipuler par fesse de babouin. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre. Il va se faire manipuler. Par cul, fesse de babouin, ou par qui il veut, il a pas à dire ce qu'il a été dire à l'ancienne. Il s'est peut-être fait avoir, c'est faux. Ouais, non, mais attends, puis dans l'absolu, j'ai rien dit de mal, j'ai raconté les aventures de Gégé, il n'y avait rien de mal. Tu te balader à droite à gauche alors que tu savais même pas où j'étais. Enfin, t'as quand même dit cul de macaque. Tu fermes ta gueule de cul de macaque, d'accord? T'as quand même dit. Je vais dire une chose, il y a des choses qu'il faut dire à l'antenne, mais il y a la vie privée des gens qu'il faut respecter, d'accord? Avec Sandy, je suis toujours avec elle. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble. Gérard, tu peux confirmer. Christine, non, attends, Max. Tu me laisses terminer. Non, mais t'es jamais parti, t'es jamais quitté Sandy pour l'avec Christine, jamais. Mais non, mais c'est des conneries qu'il a dit. Mais je suis d'accord, on s'est fait manipuler. C'était crédible, hein, quand t'étais chez les Yétis, tout ça, au Tibet, c'était. Mais ta gueule, Gérard. On va essayer, tu vas me répondre par oui ou par non. Gérard, est-ce que tu peux me jurer que tu n'es jamais allé au Tibet? Non, c'est faux. Gérard, est-ce que tu es prêt à dire que tu n'as jamais été webmaster sur un site de cul en Russie? Non, c'est faux. Alors, est-ce que Christine, tu laisses parler, Max. Non, attends, moi je vais faire qu'une macaque. Tu fermes ta gueule, qu'une macaque. D'accord. Ok. Comment on appelle ça déjà? C'est les. Quand tu montes des. Sur Internet, c'est des sociétés, ça s'appelle des start-up. Est-ce que tu as monté une start-up au Mexique? Non, c'est faux. D'accord, donc tu n'es jamais allé au Tibet. Yeah. T'as quand même donné des cours de camion sur la rue au Canada, et ça c'est vrai. Et qui ferme sa gueule. Est-ce que... T'as quand même habité l'hôpital John Kennedy ou qui a lu... Je te dis de fermer ta gueule. Parce que si je t'attrape, moi je te nique ta mère. D'accord? Gérard, est-ce que tu as déjà monté une start-up au Mexique? Non. Est-ce que tu as déjà vécu avec des Yétis au Tibet? Non. D'accord. Excuse-moi, attends, parce que j'ai le micro qui est coupé. Est-ce que tu es déjà parti au Canada donner à manger aux baleines? Mais non, mais c'est faux. Mais attends, non, mais on est en train de tout démentir. Il n'y a pas de baleines, il y a des kangourous. On est en train de démentir, justement. On est en train de tout démentir. Encore, ouais. Est-ce que tu es allé... C'est pas des baleines, c'est des kangourous, d'accord? Est-ce que tu es allé... Gérard, est-ce que c'est des... Pour démentir, est-ce que tu es parti surfer les plus grandes vagues du monde sur la Californie? Mais n'importe quoi. Donc c'est faux. N'importe quoi. D'accord. Mais c'est vraiment des conneries là que vous avez. Non, mais je dis ce que Kudnakak a dit, donc tu dément tout ça. Tu n'as jamais. Tu n'as jamais eu. Mais non, mais Sandy, alors justement. Elle est de côté sur un autre portable et elle peut te dire qu'elle est toujours restée avec moi. Est-ce que Sandy. C'est des conneries. Mais vous êtes encore tombé dans un piège, mais grave, mais c'est grave. Putain, mais arrêtez de vous faire prendre. Allô Anka. Sandy, on t'écoute. Ouais, il est là, hein, c'est de la caca. Ah, je suis là, bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Je voulais te dire, mais comment est-ce que toi tu peux dire des choses pareilles alors que tu sais même pas, avec quel argent tu veux qu'on paye les voyages? Tu crois que Gérard, il a de l'argent à mettre là-dedans? Écoute, attends, moi je vais t'expliquer en fait, il y a eu des lettres. En fait, on est toujours restés ensemble, je vois pas pourquoi tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies, que ce soit à l'antenne ou que ce soit devant moi, tu vas dire, tu vas jouer avec les écritures. Tu sais même pas si c'est vraiment Gérard qui a écrit ça, tu vas dire des trucs derrière. Mais attends, Sandy, moi ce que je veux dire aussi, c'est qu'en plus des lettres et des emails quand même. Non, mais attends. Non, Gérard, s'il te plaît. Non, Gérard. Attends. Tu es une macaque. cul de macaque. Ouais. Tu vas pas un sang, tu vas pas nous casser les couilles avec les lettres. Tu vas répondre à ce que Sandy va te dire. Non mais Gérard, t'es en train d'essayer d'embobiner Sandy, mais tu vas pas l'embobiner. Parce que moi, je vais te dire une chose. C'est là, pour l'instant, les lettres que t'as, c'est des fausses lettres. D'accord? Ouais, alors ça, c'est non mais on est d'accord. Attends, Gérard, calme-toi. Si tu veux que Sandy parle, Gérard, il faut que Sandy puisse parler sans que tu es obligé de répondre à la place de Sandy. Sandy pose une question, qu'une maquette se pose des questions et Sandy va y répondre. Alors qu'une maquette, quelle est la question que tu voudrais poser à Sandy? Alors moi, c'est vrai que sur les écritures, on peut peut-être dire qu'il y a eu problème. Probablement, moi, oui. Moi, alors c'est vrai que j'ai jamais eu Gérard au téléphone pendant tous ces périples. D'accord. Donc ça te confirme. J'ai quand même eu une fois Christine qui m'a confirmé toute l'histoire, qui m'a dit qu'elle avait des sous, qu'elle s'occupait de ses voyages. Comment, avec une macaque? Ouais. Comment ça se fait que Christine a ton numéro de portable? Laisse-le répondre, Gérard. Qu'une macaque. Laisse-moi finir. Ah, vas-y. Laisse-moi finir. Donc, une, comment ça se fait que Christine a ton numéro? Ah, bah, il va répondre. Bah, écoute, moi, ça fait quand même de nombreuses années que je traîne un petit peu dans le milieu. Bon, je peux pas dévoiler tous mes business, mais c'est vrai que Christine et moi, on est en rapport depuis quelques années maintenant. Travaille dans l'obésité. Non, mais attends, tu te ferais pas passer par... T'essaierais pas d'embobiner tout le monde, là. Attends, qu'une maquette, tu serais pas en train de nous faire une petite bobine de laine, là? Non. Tu serais pas en train de nous aléner, là? Pour essayer de tu joues pas ton macho un peu qu'une macaque là, quelque part? Alors attends, le problème qui est, que tu ne ferais pas passer pour Alain, le copain Christine, par hasard? Non, à peine. Attention, je vais dire une chose, que Christine, elle avec un mec qui s'appelle Alain. Donc apparemment, de manière que t'essaierais de... Ils sont plus ensemble, il paraît. Non, mais ils sont plus ensemble. Christine, elle est solo, elle est célibataire en ce moment. Ah, peut-être avec elle. Comment tu le sais, tiens? Je sais que je suis en rapport avec elle. Comment ça se fait que tu le dis que ce soir? Et comment ça se fait que cette semaine, quand t'as été dire que je me retrouvais à je sais pas où, là? Moi, ce qui m'a été dit... Ce qui m'a été dit, c'est qu'en fait... Tu venais de rentrer en France. J'étais où, soi-disant, cette semaine avec... Soi-disant que Sandy, elle serait toujours sur l'antenne, et moi, je serais où? Toi, t'avais fait quoi, l'Himalaya, donc le Tibet, l'Inde et l'Afghanistan? T'avais été chez les bubards, là-bas. Non, mais là, cette semaine... Ah bah là, la rumeur me dit que, en fait, bah, Christine t'aurait plaqué, c'est pour ça que tu viens de rentrer. Il était où? Non, mais qu'une macaque, réponds aux questions. C'était où? Il était où, dernièrement, là? En Afghanistan? Je te dis Tibet. Au Tibet. Ah non, c'est pas ce que Sandy a enregistré. Ah bah si, Tibet, si. Je te confirme, c'est l'Himalaya. L'Himalaya. L'Himalaya. Est-ce que tu étais vraiment en Himalaya, Gérard? Il y a des gens qui t'ont vu. Voilà, tout le monde parle en même temps, c'est pénible. Plus macaque en attente 2 secondes. Gérard, est-ce que tu étais en Himalaya? Non, c'est faux. Non, mais laisse parler Sandy, mais moi, tant que moi, pour l'instant. Alors, on enlève Gérard pour l'instant. Sandy, toute seule. Vas-y, Gérard. Pas Sandy. Ouais, je voulais dire à tout le macaque que c'est dégueulasse, il fait des lettres et tout ça, soi-disant, mais ça c'est des conneries, il a même pas les preuves, j'en suis sûr, il va dire à tout le monde que c'est ça, mais il a qu'à apporter les preuves. Non mais il a aucune preuve, lui, il est en train de s'apercevoir qu'une macaque que lui-même s'est fait manipuler. C'est possible. Par fesses de babouin. Mais c'est qui qu'envoie les lettres exactement? C'est qu'une macaque. C'est fesses de babouin qui devait envoyer à qu'une macaque en faisant croire que c'est Gérard, et en fin de compte, qu'une fesses de babouin doit imiter l'écriture de Gérard et lui faire croire que c'est Gérard qui lui envoie le courrier. Fesses de babouin pour essayer de savoir que le. Non, mais fesses de babouin, tu sais bien qu'on sait jamais, on sait pas qui c'est, on n'a pas de numéro. Ouais. Il agit dans l'ombre. Il agit dans l'ombre. Moi, que c'est dégueulasse de faire ça. On joue pas comme ça. Sandy, moi je suis juste... Même si c'est quoi des lettres? Moi j'ai reçu on a reçu un courrier de couilles de mammifère qui nous a dit que c'était possible qu'on se fasse induler. Et c'est vrai qu'avec le courrier de couilles de mammifère, on s'est... moi j'avais discuté avec Pine de Poney, elle était d'accord avec moi. Je ne peux pas écouter ce que les gens disent. C'est des conneries, je sais pas si tu es d'accord. Gérard Renner, on remet Gérard à l'antenne. Gérard, c'est à toi. Ouais, un conseil que je donne maintenant aux auditeurs. Écoutez bien. Je vous préviens d'une chose. Continuez à envoyer des saloperies. Non, c'est fini, mais on n'a rien reçu, nous. Hein. Non, mais qui continue. Déjà, avec Kim Malkak, il s'est bien amusé sur mon dos. Pourquoi que j'ai réagi? Parce qu'on commence à en avoir marre. On en avait marre de savoir que l'autre, il me prenait pour un con en disant « Ouais, il est ceci, cela, il est parti n'importe où. » Alors maintenant, aucune macaque, tu vas faire une chose. Tu as bien écouté ce que je vais te dire. Tu as bien ouvert tes ailes gourdes. Écoute, vas-y. Hein? Alors maintenant, je vais te dire une chose. Même pour les auditeurs. même pour les auditeurs, que tous ceux qui croivent que ce que tu m'as caca été dire... À savoir que tu es parti à l'étranger, c'est voilà, faux. C'est faux, complètement faux, et que je suis encore avec Sandy, non avec Christine. Alors maintenant... Et que tu habites toujours en banlieue parisienne et que tu pars pas à l'étranger, et que tu n'as pas acheté une maison à New York. Mais j'ai pas le moyen. Alors tu m'accaques, un conseil que je te donne, maintenant tu vas fermer ta gueule, et je veux plus t'entendre ouvrir ta gueule à l'antenne. Voilà. Le jour où t'entends, que je t'entends dire une connerie sur moi, fais-moi confiance qu'avec ton numéro de cabine, on va arriver à te choper. Et fais-moi confiance que... Je t'ai mal. Je risque de passer... Un mauvais quart d'heure. À travers la cabine. Voilà. Dis donc, Gérard, les auditeurs, à un moment donné, ont pensé que tu avais pu, en tous les cas, partir sur New York parce qu'il disait, comme il a eu l'occasion de partir à l'époque avec Sandy, d'ailleurs. Ouais, vers Godzilla, non. Donc, du coup, ils se sont dit, là-bas, il a dû se faire des contacts. Non, mais de cette manière, t'inquiète pas. D'accord. Donc, t'es pas dans l'immobilier, là-bas. De tous les moments qui ont été enregistrés par qu'une maquette t'a dit, nous, on les a. Et fais-moi confiance. Que si personne veut avoir de problème, un conseil que je donne, c'est que l'autre, qui reste bien planqué dans son petit coin... Ah bon, là, déjà zappé, hein, il est mort. ...dans sa merde de cabine téléphonique ou chez lui, ou n'importe où, avec ce cul de avec fesse de babouin, il a qu'à aller lui faire des pipes comme il veut, hein, mais qu'il nous foute la paix. Parce que ma vie privée avec Sandy ne regarde aucun auditeur. C'est ma vie. Avec Sandy, on s'entend très bien. Donc... Ce qui a été dit pendant plus de deux mois, c'est du baratin complet. Bravo, Gérard. Ça, malheureusement, personne n'a pu le démentir. Personne n'a pu le démentir parce que toi, tu croyais que c'était vrai. C'est vrai. Et en fin de compte, tu es tombé dans le piège, comme d'habitude. Comme d'habitude, je me suis fait manipuler par des auditeurs qui... Ah ouais, qui t'ont dit des conneries sur moi alors que c'était faux. Mais comme j'avais pas de nouvelles de toi pour démentir, t'as mis deux mois avant de démentir, moi j'ai cru que c'était vrai. Pourquoi t'as mis... Alors pourquoi, Gérard, je te pose une question, est-ce que tu veux bien répondre? Pourquoi t'as mis autant de temps avant de réagir? Parce que je voulais savoir... Jusqu'où ça allait aller? Je voulais encore attendre une semaine. Parce que tout le monde sait très bien que mon anniversaire, c'est le 17 juin. C'est vrai. Donc je voulais attendre cette date-là pour savoir ce qu'il allait dire la semaine prochaine. Mais malheureusement, on n'a pas pu tenir avec Sandy parce que Sandy m'a dit... Max, en ce moment, on sait très bien qu'il n'a pas trop le moral. Et c'est vrai. Et j'ai vu que ce soir, tu avais retrouvé la patate d'enfer. C'est vrai, merci. Mais c'est pas moi. Mais pourquoi j'ai retrouvé la pêche d'enfer? Parce que j'ai appris une bonne nouvelle, et c'est de savoir que tu allais de nouveau retour avec nous. Et pour ça, je voudrais t'applaudir encore une fois. Non, je voudrais le faire seul. Non, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand t'as des branleurs comme ça, qui te disent, soi-disant que j'ai reçu du courrier ou des emails, hein, eh ben, tu demandes au mec qui te les envoie, et c'est tout. Mais je suis assez d'accord. Est-ce que t'as pas pensé à faire? Ouais, c'est quoi? Je sais plus quand, là, que t'as pas eu de mes nouvelles, eh ben, c'est là qu'il fallait demander, ben, renvoie-nous les preuves. J'y ai pas pensé. Parce qu'en fin de compte, lui, ce qu'il a fait, il a pu très bien t'inventer n'importe quoi comme il l'a fait. Ouais. Et puis toi, t'es tombé dedans. Il est possible aussi qu'il... déjà la deuxième fois. Il est possible que ce soit fait manipuler aussi, hein. Ouais, mais lui, il s'est fait manipuler par Fesse de Babouin. Ouais. S'il connaît Fesse de Babouin, bah dans ce cas-là, c'est son problème. C'est pas il ne le connaît pas. C'est Fesse de Babouin qui doit lui mettre dans son courrier du courrier venant. Mais comment tu peux imiter une signature? Déjà. Non, mais attends, qu'une maca qui ne connaît pas ton écriture, donc lui, il voit Gérard de Suane, il sans savoir ton écriture, il peut croire que c'est vraiment toi, parce qu'il peut pas comparer. Alors. Demande à Kulmakak, t'es là? Kulmakak, t'es là? Je suis toujours là. Ouais. Alors, les numéros de téléphone qu'on te donnait, c'est quoi? Oh bah, je peux pas les donner à l'antenne quand même. Ah bah si, donne-les à l'antenne maintenant. Non, mais c'est des numéros mexicains, c'est des numéros mexicains et tibétains, c'est trop long. Bah oui. Il y a 14. Ouais, c'est encore des numéros bidons. Alors, donne le numéro d'hôtel du Tibet. Alors, c'est très très long à noter, mais c'est très très long. Je le donne en français, je vais pas le donner en tibétain. Non, mais alors déjà, l'indicatif... Attends, Gérard, attends. Il est en train de donner un numéro de téléphone d'hôtel du Tibet. Alors, enfin, du refuge. Et 12-10-64 pour l'indicatif. Ouais. Ensuite, il y a le code de la région. C'est 707-319. Ouais. Ensuite, il y a le code de la ville. Ouais. Là, vous tapez 12 à nouveau, 12. Et ensuite, bah, il y a l'indicatif de la maison. Voilà. Et là, c'était 37-22. Et ça s'appelle le Yeti-Gite. Voilà. Le Yeti-Gite. C'est juste pour pour faut bien me dire une chose avec une macaque. Ouais. Là, ce que tu viens de donner, c'est même pas un numéro de téléphone. Ah si, je confirme à 12-10-64. Hein. Attends, 12-10-64. Ouais, tout à fait, ça marche tu prendrais pas les gens pour des cons, là. Non, mais attends, mais moi j'ai... Non, tu m'y laisses. J'ai été qu'un messager, moi. Hein. Moi, j'ai été qu'un bon facteur. Ouais, bah... courrier, hein. Un connard, c'est tout. Non, mais moi, je m'adresse à tous les enculés qui vont venir en kayak. Non, mais attends, tu te fous de ma gueule. Non, mais attends, tous les enfants qui vont venir en bateau, là, franchement... Bah, pour la question, tu te fous de ta gueule ou tu prends le train? C'est possible, mais franchement, ça se fait pas. Tu m'en fous pas. Prends le train, tiens, prends fraude, cul de macaque, allez. Oh là là, manipulateur. Attends, tu vas t'énerver. Tu vas t'excuser devant tout le monde, parce que moi je vais raccrocher. Même pas, tu sais quoi, Gérard, c'est ce qu'on a fait, je lui ai raccroché au nez à ce mec-là, il a même pas. Non, fallait pas. Ah merde. Fallait pas lui raccrocher au nez. Eh hey, Gérard, on va pas perdre du temps sur l'antenne qui nous est chère à laisser la parole à des gens comme ça qui nous manipulent. Ben non, mais de manière quoi. Gérard, moi j'aimerais avancer. J'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs. Qui s'excuse auprès des auditeurs et devant Sandy. Il va le faire, mais Gérard, j'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs. Et Gérard a accepté ce que je dise. D'abord, n'oubliez pas que c'est l'anniversaire de Gérard le 17 juin. C'est un dimanche. Mais on le fêtera en avance et en exclusivité. Vous aurez l'occasion de souhaiter un bon anniversaire à Gérard en lui apportant des cadeaux et des choses qu'il apprécie. Le jeudi... Sauf des saloperies. Ouais, le jeudi 14 juin, il sera là avec Sandy, dit Bibi. Voilà, comme Loana du Loft. On a notre petite Loana de Nanterre. Loana de Nanterre dit Bibi, dit Sandy, la copine de Gérard, dit Gégé de Suresne, dit maintenant de la banlieue parisienne, sera là pour fêter son anniversaire et la cerise sur le gâteau. Avant de quitter peut-être définitivement cette radio, cette saison, cette année, petite cerise sur le gâteau, Gérard, on peut déjà l'annoncer. Jeudi 14 juin, en fait, ton anniversaire avec Sandy. Et à minuit, 2h, débat sur... Gérard, dis-le. Ah ben non, c'est toi qui l'annonce. Allez, dis-le avec toi, dis-le toi. Non, c'est toi qui l'annonce. T'en parles constamment toutes les nuits, alors c'est toi qui l'annonce. Dis-le toi, Gérard, ça me ferait vraiment plaisir, ça me toucherait. Débat sur... Bah, sur le Loft. Voilà. Débat, et attention... Il n'y aura pas d'habituel, on en a mis les choses, les points sur les barres sur les T. Par contre, Gérard, si tu me le permets, bien sûr, sous ton autorisation, peut-être que tu sais que Aziz est venu plusieurs fois dans les studios, Stevie est venu deux fois dans les studios, Kenza également, Julie. On aura bien sûr des fans de Love Story, mais j'espère avoir, en tout cas, lors des débats, Aziz, Stevie, Julie et Kenza. Ah ben, c'est toi qui décides, c'est pas moi, là. Je les appellerai, je sais que Stevie... T'as entendu, Stevie, t'es un fan de Gérard et de Françoise? Ben, Stevie, ouais, c'est ce que j'ai entendu hier. Et ben, Aziz, maintenant aussi, sans rappeler, il me disait, ouais, il y avait un mec, un fou génial, qui passait dans les débats. Donc lui aussi, il me dit, si avant la fin de l'année, Gérard revient, j'aimerais bien participer à un de ces débats. Alors si en plus tu fais un débat sur le Loft, à mon avis, ils auront des choses à dire. Est-ce que tu acceptes qu'on les ait au téléphone? Ben, sans problème, ouais. Et ben, ça me fait plaisir, Gérard. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous te recevrons tapis rouge pour fêter ton anniversaire en exclusivité 3-4 jours avant ton anniversaire qui, on le rappelle, est le 17, mais toi tu seras là le 14 juin. On fêtera ici un mois avant le 14 juillet, avant l'armistice. Ton anniversaire. L'armistice du pastis, toi, c'est ça. Et là, et bien sûr. Attends, non, mais c'est pour Max que je disais ça. Tout le monde aux deux pingouins là qui se calment. Attends, ils sont contents de t'avoir. Attends, tu penses le plaisir que ça nous rend. Les deux pingouins là, ils se calment. Et donc. Nous fêterons donc ça avec un débat, minuit, 2h, débat sur Love Story. Ça le fait, Gérard, ou pas? Oui, bah, de toute manière, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure en antenne. Non, mais les gens, tout le monde n'était malheureusement pas à l'écoute de ce qu'ils disaient en antenne. J'ai passé de ligne. Ça, c'est le problème et c'est tout. Hein. Maintenant, s'il y a des auditeurs qui veulent nous parler à Sandy, et puis qui veulent me parler pour savoir vraiment ce qu'il y a eu, durant les mois qu'on passait, eh ben, on est prêt à répondre. Si tu veux, on peut faire un jeu de la vérité maintenant, jusqu'à minuit. Si tu veux, on peut faire, avec ton accord, on peut faire un jeu de la vérité pour démentir qu'une maquette a été dire. Sylvain est avec nous, 28 ans de Paris. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et nous avons Gérard, toujours avec nous. Allô. Gérard, excuse-moi parce que j'ai éternué. Alors. Ah bah, ça m'étonne pas. On dirait que ça fait vachement plaisir. T'as la crème ? Ouais, j'ai le rhume des foins. Ah, voilà. Parce que j'ai la moquette cette nuit, alors. Vous rigolez peut-être. Alors, Sylvain, on a 3 minutes, après on fera la pause, donc on va commencer le début de ta question. Bonsoir, Gégé. Je voulais d'abord te dire que... Il y a Sandy, hein, derrière. Et Sandy. Bonsoir, Sandy aussi. Alors, elle a dit bonsoir. Vas-y, Sylvain, pose ta question. Oui, je tenais d'abord à vous dire que je suis extrêmement content de vous revoir à l'antenne. Franchement, c'est super. Ah, tu nous vois à l'antenne. Ouais, je t'entends. Sois cool, Gérard, pour qu'il puisse poser des questions. C'est des gens qui sont très contents de te revoir, quand même. Oui, ouais, c'est l'émotion. Alors Je voudrais, Gégé, que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que tu es devenu est-ce que tu es toujours, dans le yaourt. Tout ça, qu'on puisse un petit peu savoir ce qui t'est arrivé depuis 2 mois, quand même. Ben, la première question, est-ce que je suis toujours dans les yaourts? Non. Ah, t'as changé de voie de garage, de carrière? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben, agent de sécurité, mais bon, en remplacement, c'est tout. D'accord. Et donc, pourquoi ce silence pendant... Pourquoi ce silence? Bon, ben, parce que il y a eu... Il y a eu quand même des petits propos qui ont été mal tenus. Ce silence qui a duré quand même assez longtemps, donc on n'a jamais su qui avait voulu toucher à la voiture. Mmh. Et voilà pourquoi le silence. De la voiture. C'est pour ça que j'ai dit, tant qu'on touchera à la voiture, pour moi c'est mon véhicule pour mon travail et puis tout. Tu préfères qu'on touche pas à ta bagnole plutôt qu'on touche à ta meuf? Ben, de toute manière, qu'on touche à ma meuf ou qu'on touche à ma bagnole, de toute manière, on touche à ma propriété. Et ça, il est hors de question qu'on touche à ces deux-là. D'accord. Ça, c'est le premier qui touche, soit à ma bagnole, ou à... Ou au bébé rose, là. De toute manière, moi, je vais pas y faire de cadeau. D'accord. Tu lui mets un kick? Ah, ben, lui, c'est un con. Un kick, c'est un truc de kung-fu, là, c'est un truc de... Ah non, mais de manière, j'ai coupé carrément les couilles. Alors, j'aurais voulu que t'expliques un petit peu au public, aux auditeurs et à tous les fans qu'on est quand même, bah, pourquoi t'étais parti. Est-ce que c'est juste histoire de voiture, là, dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, de plus profond qui a motivé ton départ, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, raconte-nous. Non, attends, l'histoire de voiture, oh là, putain, j'entends mal. Dans ce cas, tu poses la question à Sandy. On pose la question à Sandy, elle va te répondre. Non, mais moi, je t'entends mal. Il voulait savoir si, mis à part le problème de... Non, mais attends, Max, pose plus la question à Sandy. Non, mais on perd du temps, Gérard, tu peux répondre non, à la question. Non, parce que moi, là, j'ai des problèmes de portable, c'est grave de chez grave en ce moment. Et tu m'entends là ou pas? Ouais, je t'entends mal. Ouais, mais nous on t'entend bien. Il voulait juste savoir si en dehors du problème de véhicule que tu as rencontré, est-ce qu'il y avait d'autres motivations à ne pas revenir sur l'antenne pendant ces 2 mois? Non, de toute manière, à part le problème de voiture, donc, je comprends pas qui c'est qui a été le dire à l'antenne. Toi, tout à l'heure. Tout à l'heure, t'as dit qu'il y avait des problèmes de véhicule et que tant qu'on touchait à ton véhicule, tout ça, que... Ah ouais, mais ça, c'est différent. Donc, non, mais t'as dit que c'était... Sur... Non, mais c'est à cause de ça que tu n'es plus. Il y a eu ça, et puis, il y a eu quand même un petit problème, quand même, sur des problèmes de... Voilà. Qu'on a été dire de notre vie, en fin de compte. Ouais, voilà. Si tu veux, le problème, c'est que ce qui s'est produit... C'est qu'on a voulu toucher à la vie privée des gens et donc je suis pas d'accord. Donc si Sandy a quelque chose à rajouter là-dessus, Sandy, on va quand même la laisser parfaite. Tais-toi pour qu'elle parle justement, Sandy. Non, mais comme Gégé l'a dit, faut pas jouer avec la vie privée des gens. Hein. Je crois que on est chacun, on a notre vie à continuer et puis faut laisser les gens faire leur vie avec qui ils veulent et puis ne pas raconter des conneries sur l'antenne. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends pas qu'est-ce qui a été dit sur l'antenne. Enfin, franchement, je vois pas à quoi vous faites allusion. Quoi. Mais il a été dit comme quoi que Gérard, il faisait des voyages, il se promenait partout. Non, mais ça, c'était après, ça. Non, mais on n'a pas envie d'entendre forcément que Gérard ait réussi dans la vie, qu'il a envie de faire du tour du monde, quoi. Ouais, non, mais... je comprends bien, mais ça c'était après que vous ayez disparu de l'antenne. Oui, ça c'est bien après. Il y a eu plein de problèmes, tout ce qu'on disait sur nous, ouais. Il y a eu plein de conneries sur nous, donc on en a eu marre. Et puis. Et pourquoi du jour au lendemain, comme ça? Pourquoi du jour au lendemain, comme ça, vous avez disparu avant? Moi, je ne veux pas répondre à leur place, mais je pense qu'ils ont fait le vide. Et puis, Dieu merci, grâce à Love Story, ça a permis aux gens, de rebondir sur Love Story aujourd'hui. Et, ce qui permet à Gérard et à Sandy de respirer un peu. Je pense que s'il n'y avait pas eu Love Story, Sandy, tu vas me dire si je me trompe, mais s'il n'y avait pas eu Love Story, peut-être qu'aujourd'hui vous auriez été à la une de Paris Match et de Télé 7 jours et de Voici. Bon, par contre, je te coupe là 5 minutes, Max. Je te coupe, c'est comment le nom de l'auditeur? C'est Sylvain. Sylvain, tu m'excuseras. Ouais. Alors, faites de babouin, un conseil que je te donne, tu nous casses pas les couilles, ou sinon c'est moi qui vais faire une grossesse, espèce de bâtard. D'accord, mais là on revient sur la radio, voilà, parce que toi tu voulais faire un jeu de la vérité. Qui était posé à son nid, donc. Ouais, mais justement, c'est dommage que tu coupes à chaque fois, c'est dommage. Non, parce qu'il y a presque de babouin qui s'amuse à s'amuser à je sais pas quoi. Ouais, ça sera ma dernière question, Sylvain, parce qu'il est minuit passé déjà, les gens viendront. Dernière question, c'est pas grave, Léo, il va attendre un petit peu. Allez, on y va, c'est parti, pose ta question, Sylvain. Voilà, j'aurais voulu savoir pourquoi vous faites payer, en fait, aux auditeurs et surtout à Max, vous n'avez pas donné de nouvelles, le fait qu'il y ait des conneries qui soient faites sur votre dos, je veux dire, vous n'avez pas donné de nouvelles, vous avez fait le mort, je veux dire, Max... Non, par exemple, Sylvain, viens, on ne s'amuse pas à faire payer les gens pour dire des conneries sur nous. C'est les gens qui s'amusent à les faire. Non, ils demandent pourquoi vous nous avez fait payer votre absence, c'est-à-dire pourquoi c'est à cause de nous, nous. Non. C'est pas à cause de la radio. Non, justement, alors justement, si c'est pas à cause de la radio, pourquoi à cause de quelqu'un vous avez décidé de ne plus nous donner de nouvelles? Justement, ils disent pourquoi vous nous avez fait payer ça? On voulait savoir jusqu'où ça allait. Je suis d'accord. Et là, je crois que. Il était temps que ça cesse. Je crois que. Comme il y a un proverbe qui dit, le vase, on l'avait mis à limite, mais là, je crois que le vase est dépassé. Voilà, ça c'est le dicton, donc, le vase était limite, et là, le vase était dépassé. Non, mais le vase a dépassé, donc maintenant, faut bien se dire une chose dans la tête, les auditeurs et auditrices, les façons de dire, va confirmer derrière moi, hein. Faudra bien vous dire une chose, que si vous recommencez à dire des conneries sur nous, ça va recommencer. Mais là, on donnera plus signe de vie du tout. Alors, quitte à crever même. On regarde et c'est tout. Parce que on est bien gentil. Gérard, il y a un truc, il y a beaucoup d'auditeurs. Gérard, on va pousser mes mères dans les orties. Gérard. Alors, à force de pousser mes mères dans les orties, ben vous savez. Gérard. Là, il y a eu des messages e-mail qui m'ont été lancés et qui me disent « Max, méfie-toi, Gérard redonne de ses nouvelles comme par hasard quelques jours avant son anniversaire. » Les auditeurs sur le net... Ce qui est un peu vrai. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que c'est mon anniversaire que je redonne signe de vie. De toute manière, lors d'un anniversaire à Sandy, personne n'y a pété. Je l'avais dit. Alors, en fin de compte, ça n'a pas été fait. Hein? Donc, oui, enfin, mais Gérard, c'est seulement ce soir que je viens d'apprendre que je m'étais fait manipuler. Tu penses bien que j'allais pas annoncer à Sandy un anniversaire en pensant, parce que j'étais dans le doute, que tu étais peut-être parti refaire ta vie à l'étranger avec Christine. Moi, je pensais que Sandy, la pauvre, était toute seule. Je me suis dit, si je commence à lui passer un bonjour, ça va. Écoute-moi, Max. Déjà, au mois de février, faut bien me dire une chose, qu'au mois de février, on n'avait pas eu cette embrouille. L'embrouille est venue après. C'est vrai. Donc elle est venue au mois de mars. On rattrapera tout ça puisque jeudi prochain, le 14, on fêtera l'anniversaire de Gérard et on en profitera pour rattraper l'anniversaire de Sandy. On fera tout en famille, d'accord? Enfin, si tu veux, même. Bah, non, pas particulièrement, mais on va le faire quand même. Non, mais c'est toi qui décides, c'est pour moi. On va le faire. Et on rappelle qu'entre minuit et deux. Si tu veux, s'il y avait d'autres personnes qui veulent poser des questions, on est prêt demain à remettre ça et à répondre. Et j'en profite pour dire, puisque là tu me laisses la possibilité de parler, que jeudi prochain, il y aura le débat de Gérard, le 14, sur le loft. Voilà, Sylvain, les gens sont obligés d'arrêter là. Sandy, dans tous les cas, merci mille fois d'être de retour avec nous. Merci. Bon courage avec ton petit gamin et tout ça, on est tout cœur avec toi. Ouais, bon anniversaire. Merci aussi. Et l'instinction de voix, mais bon. L'instinction de voix. Je suis un petit peu malade et puis c'est vrai. Un peu enrhumée, donc. Une petite instinction de voix, ça peut arriver. Bah oui, ça peut arriver. Hein. D'accord. Et Gérard, merci mille fois. Moi, ce que je veux dire, Mike, ouais. Moi, ce que je te propose, ouais. Demain, au lieu de faire par téléphone, non, demain, il n'y a rien. Demain, je fais Love Story. Demain, c'est la sortie de Love Story. Donc, je me consacre qu'à ça. Je ne fais que ça demain. Ah, mais... Et ouais, et vendredi, je reçois celui qui sort. Et lundi, il y a une surprise. Il y a les Daft Punk qui viennent annoncer une surprise. Donc, on va gérer ça en antenne, d'accord ? Ok, ça roule. Et n'oubliez pas, le jeudi 14, notez-le, l'anniversaire de Gérard et de Sandy. On le fêtera ici dans les studios. Et jeudi, minuit, 2h, un débat sur Love Story en direct live. Plus personne n'y croyait. Pourtant, ça a été fait.